cyborg. C'est peut-être mieux avec ma voix. Nous refusons de devenir des cyborgs, des êtres si froids, des transhumains, des immortels de pacotille, sans choix, digitalisés sur des puces, dans l'avenir qu'on nous broie. Nous refusons l'arrivée de machines sans émoi. Pour nous nourrir, point de pilules ni de poudre lointaine, comme si nous étions à bord d'un vaisseau, chaîne après chaîne. Nous voulons rester des humains, pleins de conscience, heureux de vivre de chair et d'esprit en abondance. Des moi, des lois, des nous, tissés des rêves et des espérances, profitant des progrès pour le bien-être en cadence, sans pour autant effacer, sans un bruit, sans conscience, des espèces vivantes, ni ravager notre terre, notre existence. Et les pauvres, ah s'ils savaient, quelle démence. Si un jour ton mobile sonne dans ta tête, quelle nuisance. Et que tu décroches avec elle, quelle cadence. Ha ha. Papa. Un effet collatéral, tu ne me vois dans l'ignorance. À long moyen, court terme, tu perds ta chance. Diriger des personnes nage avec ta pensée, quelle danse. Et la pupe s'infiltre dans ta soif sans méfiance. Devient numérique, nous cherchons un futur moins tragique, en refusant d'être des copies des statistiques. Nous clamons notre droit à rester unique. Dans nos veines coule l'espoir, pas la technique. Nous sommes plus que des données analytiques. Nous sommes l'amour, la joie et la musique. Nous sommes l'amour, la joie et la musique. Pas des êtres programmés, froids et mécaniques. Nous voulons toucher, sentir et vivre poétique, pas être enfermé dans un monde synthétique. Nous sommes humains avec notre propre critique, cherchant le bonheur loin des mirages électroniques. Nous sommes faits de chair et d'âme, pas de plastique. Nous rêvons de nature, de liens authentiques. Nous sommes la vie, vibrant d'énergie mythique. Refusant de céder à l'appel des sirènes technologiques.